« Eh bien, reprit Valérie, à autre chose, et la place de coquet ?»« Ceci, répondit Hector en baissant les yeux, est plus difficile, pour ne pas dire impossible. »« Impossible, mon cher Hector ? » dit Madame Marneffe à l'oreille du baron. « Mais tu ne sais pas à quelles extrémités va se porter Marneffe. Je suis en son pouvoir. Il est immoral dans son intérêt, comme la plupart des hommes. » Mais il est excessivement vindicatif à la façon des petits esprits, des impuissants. Dans la situation où tu m'as mise, je suis à sa discrétion, obligée de me remettre avec lui pour quelques jours. Il est capable de ne plus quitter ma chambre. » Hulot fit un prodigieux haut-le-corps. « Il me laissait tranquille, à la condition d'être chef de bureau. C'est infâme, mais c'est logique. Valérie, m'aimes-tu ? « Cette question dans l'état où je suis est, mon cher, une injustice de laquais. »« Eh bien, je veux tenter, seulement tenter, de demander au maréchal une place pour Marneffe. Je ne suis plus rien et Marneffe est destitué. »« Je croyais que le prince et toi, vous étiez deux amis intimes. »« Certes, il me l'a bien prouvé, mais mon enfant, au-dessus du maréchal, il y a quelqu'un, et il y a encore tout le conseil des ministres, par exemple. » Avec un peu de temps, en louvoyant, nous arriverons. Pour réussir, il faut attendre le moment où l'on me demandera quelque service à moi. Je pourrais dire alors, je vous passe la casse, passez-moi le séné. Si je dis cela, mon pauvre Hector, à Marneffe, il nous jouera quelque méchant tour. Tiens, dis-lui toi-même qu'il faut attendre, je ne m'en charge pas. Oh, je connais mon sort, il sait comment me punir, il ne quittera pas ma chambre. N'oublie pas les 1200 francs de rente pour le petit.